à l'intérieur, qui sont subdivisées en 5 parties, donc qui reviennent sur un peu tout ce que j'ai décliné, quoi, c'est-à-dire aussi bien la science et la religion avec ce qu'elles peuvent avoir d'hétéronomisant. Il y a 2 chapitres consacrés à la question de l'éducation, qui est cruciale. Il y a 3 chapitres consacrés à tout ce qui est plutôt du côté de l'émancipation, des expérimentations, des luttes et tout ça. Et il y a aussi 2 autres chapitres plus spécifiquement conceptuels, on va dire, qui discutent la conceptualisation que Castoriadis fait de l'autonomie, puisque c'est aussi une façon de penser l'autonomie. C'est un concept qui a une longue histoire, donc voilà, il y a aussi des discussions là-dessus à l'intérieur du livre. En fait, il ne faut pas concevoir l'autonomie, les sociétés hétéronomes et les sociétés autonomes comme deux mondes à part, puisque finalement, comme vous l'avez dit vous-même, à partir du moment où nos braves politiques actuels, mais sont-ils des représentants d'une société autonome, eh bien, nous disent que, puisque tout le monde... la fameuse dictature des bonnes pratiques. Parce que tout le monde fait ça, donc il faut que l'on s'insère là-dedans. Aller contre, c'est adopter un point de vue comment dire, d'arrière-garde. Il faut au contraire trouver à s'adapter, à s'ajuster aux contraintes existantes pour en tirer le meilleur profit en fonction de nos moyens. Donc, Il y a toujours une structure un peu hybride, non ? Il y a une idée comme ça, c'est effectivement assez castoriadien. On se lamente souvent de ce que nos luttes, nos actions sont récupérées et systématiquement réintégrées par le capitalisme. Il y a chez Castoriadis une sensibilité au processus inverse, en fait, au fait qu'on peut aussi, nous, justement, se saisir, je ne sais pas si c'était ça l'idée de dictature des bonnes pratiques, mais on peut, nous aussi, se saisir de certains éléments propres à la logique capitaliste pour les réarranger, les retourner, en fait. Ou trouver des failles aussi, puisque apparemment, le commun, c'est un peu ça. C'est une sorte de. Enfin, moi, tel que je l'ai compris, c'est une sorte de revendication, disons, de constitution d'une sorte de tiers état entre la noblesse et le clergé et donc la capacité d'une société civile à devenir reconnue comme acteur, voilà. Comme acteur de plein droit à côté de ceux qui en nient l'existence, puisque ou bien il y a des intérêts particuliers, l'économie stupide comme dirait d'autres, ou bien les gouvernants nous représentent. Donc on n'a pas à dire notre mot, puisque tous ces braves gens prennent en charge l'essentiel de ce qui nous fait vivre, de ce dont nous avons besoin. Non, mais c'est vrai que. Bon, moi, j'ai lu Castoriadis il y a un certain temps. J'avais une grande sympathie, empathie, avec une grande partie de ce qu'il dit, pas avec tout. Mais je ne crois pas qu'il serait choqué si on disait que les communs, c'est le retour de l'autonomie. Hein. Je ne crois pas. Simplement, il est parti avant de le voir, mais je pense que c'est ça qu'il aurait comme caractérisation. Mais pourquoi êtes-vous là tous deux ? Ben oui, bien sûr. Tout à fait. Effectivement. C'est le retour de l'autonomie. C'est pas la forme dernière, c'est pas, etc. Mais c'est incontestablement le retour de l'autonomie dans l'hétéronomie. Il décède en 97, donc à la sortie de la décennie cauchemardesque des années 80. Donc il est aussi marqué par son époque et il n'a pas vu ce qu'on a pu voir à partir de 95, qui enclenche quand même un nouveau cycle avec l'altermondialisme, l'écologie politique et tout ça. Ça, il ne l'a pas vu, donc il aurait peut-être révisé aussi. Oui, je pense aussi. Je pense aussi parce que... je ne sais pas comment dire, mais... Je suis pour partie un peu plus jeune, mais partie contemporain de Castoriadis. Et cette vision, Christian, je pense que tu diras la même chose, mais cette vision qu'à un moment donné, on n'avait plus aucune perspective, on a tout su. On a tout su. Bon. Ça fait 10 ans, que 10-15 ans, on va dire une dizaine d'années, qu'on a l'impression que peut-être qu'il y a quelque chose qui redémarre. Mais on est tous passés par là, hein, je veux dire. Enfin, en tout cas, Tous ceux qui... il n'y a pas de miracle, hein. Moi je suis de la génération 68, etc. Bon, et qui avons cru à un moment qu'on était en train d'ouvrir quelque chose, on a vu aussi que ça s'est fermé. Et puis maintenant, moi je parle à titre personnel, là, comme ça. Pour la première fois avec ces histoires de commun, j'ai l'impression qu'on a le vent derrière nous. Parce que jusque-là, on allait contre le vent avec les choses qu'on essayait de défendre. Pour la première fois, on a le vent derrière nous, ça veut dire qu'il y a une grosse part, il y a une partie du mouvement social, aussi bien local que mondial, hein, qui est en train de fabriquer des choses dans lesquelles de nouveau on s'inscrit. Alors qu'avant, c'était un espèce de volontarisme de la pensée pour continuer à faire vivre des perspectives qui n'étaient plus portées par rien. Bon. Mais elles sont de nouveau portées par des choses maintenant. Christian, tu as été sollicité. Oui, je ne passerai pas la porte qui m'a été ouverte. Je suis plus pessimiste. Ah oui, ça, c'est, on peut comprendre aussi. Ouais. La parole est à la salle, comme on dit. Meilleurs exemples de commons. Les bonnes pratiques des commons. Oui, bah, je ne sais pas. Non, moi je ne suis pas spécialiste de ces choses-là, mais j'ai cru comprendre qu'à Naples, notamment, il y avait une expérience intéressante de gouvernement de municipal de l'eau. Je pense que ce que vous disiez sur les logiciels libres aujourd'hui, comme ça, on contribue, on accumule, et puis avec un code ouvert, ça en fait partie. Je sais pas, est-ce que on considère que les ZAD aussi c'est une gestion en commun d'un territoire, grignoté aussi, en gruyère. Là, c'est sous la forme de la résistance, parce que, voilà, c'est, l'enclosure, elle est à tous les bouts du chemin. Non, mais une chose, par exemple, que moi je considère alors absolument comme un commun, et qui est une histoire, à la Hollywood, enfin, avec des happy end et tout le bazar, c'est D&DI. Bon, moi, j'ai pas mal travaillé, même plus que pas mal, dans le domaine de la santé, et de l'accès aux médicaments génériques, etc., en particulier pour les malades du sida, parce que j'ai travaillé avec l'ANRS sur ces problèmes-là. Bon, ben, D&DI, c'est quoi ? Drugs for Neglected Disease, c'est une initiative qui est née de MSF et qui a considéré que MSF c'était très bien pour faciliter l'accès des pauvres aux soins, à condition qu'il y ait des médicaments pour ça. Et qui est parti du principe qu'il y avait toute une série de maladies et d'affections pour lesquelles il n'y avait pas de médicaments. Et donc qui s'est installé comme concepteur de médicaments. Bien. Et ils ont fabriqué des choses absolument extraordinaires, c'est-à-dire que, avec une structure extrêmement légère, ils ont récupéré des molécules abandonnées par les pharma, non pas parce qu'elles n'étaient pas prometteuses, mais parce qu'il n'y avait pas d'argent à faire dessus, hein, parce que c'était pour des maladies du Sud sur lesquelles il n'y avait pas de demande solvable. Et en particulier, bon, ils ont 18 molécules comme ça dans le pipe. Et en particulier, ils ont réussi, en mettant en réseau des laboratoires publics au Brésil, Fiocruz, Farmanguinhos, à Singapour, etc. Bon, et ils ont mis au point une bithérapie contre la malaria, qui est vendue des clopinettes, parce qu'ils l'avaient vendue au prix coûtant, sachant qu'en plus, ils ont récupéré la molécule gratuitement. Et ils sont en train de traiter des centaines de milliers, bientôt des millions de gens contre la malaria avec cette bithérapie. Ben ça, c'est le pouvoir du commun. C'est le pouvoir du commun. Parce que là, ça a été fait sous la forme d'un commun. Bon. Bon, voilà. Il y a des communautés Bien sûr, oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, je, je, conseille vivement, vous faites, vous tapez sur Google Digital Library of the Commons, hein, donc librairie numérique des communs, Digital Library of the Commons. C'est une bibliothèque en ligne, ouverte évidemment, qui a été créée par Charlotte Hess, qui était une très proche collaboratrice de Ostrom, et dans lequel il y a plusieurs milliers d'articles en ligne qui décrivent des communs, parlent des communs, traitent des communs, comparent des communs, etc. Et c'est extraordinairement bien fait, parce que vous écrivez irrigation, Amérique latine, communauté villageoise, vous avez plusieurs dizaines d'articles. Où vous écrivez, pâturage, Inde, bœuf, et vous avez plusieurs dizaines d'articles. Et c'est stupéfiant, comment dire, la variété, la diversité, etc., des initiatives qui sont prises là derrière. Après, vous allez, pareil, sur les sites de communs informationnels, la FSF, la Free Software Foundation de Stallman, hein, et là vous avez là encore toute une série de ce qu'on appelle des forges, où on fabrique des communs informationnels, c'est-à-dire des bases de connaissances d'accès partagé dans les domaines les plus divers. Donc c'est un mouvement qui a, enfin je veux dire, une variété, une diversité, un dynamisme, c'est très étonnant. Enfin, moi-même, je travaille là-dessus, bon, depuis quand même un certain temps, et voilà. Tous les jours, je découvre des nouveaux communs, de nouvelles communautés. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Et en français, il y a, je crois, le temps des communs. Oui, alors le temps des communs, ça a été fait par des copains, bon, chercheurs, notamment, enfin, deux d'entre eux qui jouent un rôle très important, qui sont Hervé Lecronier, qui est en même temps éditeur d'ailleurs, qui édite des bouquins sur les communs, donc Hervé Lecronier, plus loin CA, et Valérie Peugeot, bon, qui ont décidé justement, pour rendre visible ce mouvement des communs, de faire une semaine qui s'appelait le temps des communs. Et c'était totalement auto-organisé. Ça veut dire que sur l'ensemble du monde francophone, pendant la même semaine, les commoners ont décidé, dans chacun de leurs lieux, en général c'est des villes, mais pas nécessairement, de tenir des initiatives pour présenter ce qu'ils font comme commun et d'organiser des débats, des discussions. Alors je crois que simplement dans la région parisienne, il y a eu 391 initiatives de commoners. Non, c'est énorme. Hein. Enfin, je vous dis ça comme ça. Voilà, vous verrez. Vous verrez. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Voilà. Pour le moment, c'est encore un mouvement, on va dire, grassroots. Hein. Voilà, un peu souterrain, un peu, mais pfiou, ça émerge. Ça. Je vous dis, ça m'a énormément. J'étais très étonné, quoi, cette histoire de Axel Lemaire. J'ai été très étonné. Dans un projet de loi de ce gouvernement, donc vous imaginez ce que je pense, on se rend compte qu'il faut faire des choses dans ce domaine. Voilà. Et c'est vrai que regardez ça, regardez la loi Axel Lemaire sur le numérique. Le numérique est commun. Ah, Christian. Ah. Alors c'était lors de l'élection de Mitterrand. Et avant de donner le tour, il a fait un petit discours, très bref, précédé de quelques minutes d'images. Et ces images, c'était tous nos idéaux. C'était remarquablement bien. Il était champion là-dessus. Remarquablement bien. Donc, bien sûr, la Bastille, et puis ensuite les drapeaux Valmy, et puis ensuite un peu les drapeaux sur l'Europe et sans trop assister, la révolution industrielle, les enfants dans les... Et puis ensuite la Commune de Paris, et puis ensuite le Front Populaire, et puis la résistance. Voilà. Et ce qu'on est en train... c'était un peu la nation, d'accord, c'est un peu dépassé. Mais ça représentait aussi un geste qui donnait sens à toutes sortes de choses, y compris à cette absurde élection de 1980. Et ce que j'observe avec beaucoup d'espoir, c'est qu'on est en train de fabriquer un récit dont va devenir mature, mais qui peut jouer une fonction historique semblable à quelque chose qui s'est effondré et qui a eu quand même une puissance assez considérable à l'échelle, disons, de 1850-1964. Donc, rendre visible le mouvement du commun, mettre des concepts là-dessus, une fois de plus, c'est dire, c'est faire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'en mettant un mot, moi, les concepts, c'est une notion que j'utilise peu, en mettant un mot sur toutes sortes de choses hétéroclites, les gens se disent, ah, mais non, on est en train de faire un commun, et à ce moment-là, les communs existent. Et c'est la puissance, je crois. Moi, je ne crois pas beaucoup au rôle des intellectuels de façon générale en politique, parce qu'ils croient toujours, qu'ils sont importants, alors que bien, ils ne le sont pas. Mais là, peut-être, quelque chose se produit, disons, qui, c'est vrai, s'est construit plutôt du côté des spécialistes de la pensée, et puis qui prend corps à des échelles importantes. Donc, comme je disais tout à l'heure, pessimiste peut-être pas, mais je veux dire, c'est un processus qui a des précédents. Bon, moi, je travaille sur les réformateurs sociaux du 19e, du 20e siècle. Tout commence en général par la construction d'un panthéon d'exemples. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, alors, on collecte des choses qui se font comme ça, ici, là et là, et on dit, vous voyez, c'est très très bien, et c'est possible, et l'avenir est... Donc on refait la même chose, qui du point de vue formel n'est pas choquant, pour d'autres objectifs, sans aucun doute. Et c'est pourquoi le fait que ça prenne peut donner beaucoup d'espoir. Le fait que ça relève de la théorie, ça j'ai plus de doutes, mais au fond, après tout, quelle importance ? L'essentiel, c'est que ça marche. Voilà. Donc si ça marche, soyons pragmatiques, comme dit l'autre, c'est parfait. Mais juste un mot. Moi, je partage aussi l'idée que les intellectuels, c'est beaucoup moins important que ce qu'on croit. Hein. Que ce qu'ils croient. Que ce qu'ils croient. Moi, j'ai grandi avec des choses de type nous sommes d'une naïveté infinie, le peuple seul est le moteur de l'histoire. Et ça, c'est vraiment ma conviction profonde. Bien. Simplement, ce que je crois, c'est que, et je reprends ce que tu dis, je crois que c'est le bon mot, c'est ça. Il y a un nouveau narratif qui est en train de se fabriquer. Alors qu'on était dans le désert général, qu'on était battu. Bon, on a été battu. Voilà. Je ne le dis pas de gaieté de cœur, hein, parce que j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Quand je vois le monde qu'on leur laisse, je suis catastrophé. Parce que nous, on est arrivés dans le monde, ce qu'on nous avait laissé, ce n'était pas la merde qu'on est en train de laisser... à vous. Bon. Alors voilà, c'est par rapport à ça que ce nouveau narratif qui est en construction, c'est très important. C'est très important, enfin je pense, c'est très important de lui donner vie, de lui donner de la visibilité et de l'aider à se constituer. Et de l'aider à se constituer. Voilà, les initiatives par mes copains, voilà. Le temps des communs, etc., c'est très important pour que les gens découvrent qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils sont tous en train de fabriquer des trucs qui sont vraiment analogues. Alors, après, c'est un long chemin, bien sûr, c'est un long chemin, et personne ne sait comment il va se terminer. C'est pour ça que, à la question qui m'a été posée à un moment, j'ai dit, je connais le chemin, je ne connais pas la fin. Et maintenant, avec l'expérience qu'on a, je me garderai bien de prétendre connaître la fin. Parce que si on m'avait dit que ce qu'on a fait, ça allait se terminer comme ça s'est terminé, j'aurais eu du mal à le croire. Bon, donc maintenant, je suis prévenu. Donc, je connais le chemin, voilà. Mais c'est déjà énorme d'avoir retrouvé un chemin et un narratif. Je vais vous faire juste une dernière confidence. Voilà, il se trouve que j'enseigne à Paris 13 et on a un Erasmus Mundus, hein, c'est-à-dire, voilà, on a des étudiants qui sont sélectionnés, plan international, machin, tout. Bien. Je leur fais un cours de 30 heures sur les communs. Bon. Une des raisons pour lesquelles je dis que, pour la première fois, j'ai l'impression qu'on m'a le vent derrière le dos, c'est que j'ai jamais eu un auditoire pareil. Bon, vraiment, ils buvaient tout ce que je racontais, sans être forcément d'accord, hein, mais parce qu'ils découvraient tout un truc. Bon. Et le dernier jour, le dernier cours, une fille, une Allemande, qui a jamais dit un mot pendant les 30 heures de cours, mais jamais, hein, je veux dire. Alors c'était un cours plutôt vivant, parce qu'il n'y a pas grand monde, il y a 18 étudiants de master. Pas dit un mot. Bon. Et elle, il se trouve qu'elle est financée, sa bourse est financée par la Bundesbank. Donc, voilà. OK. À la fin des 30 heures de cours, elle est venue me trouver, elle s'est plantée en face de moi, comme ça. Elle me dit, to tell the truth, in the beginning, I was very skeptical. But this is fascinating. Et puis elle est partie. Bon, pour ça, je dis, pour la première fois, on a le vent derrière nous. Et ça m'est pas arrivé depuis 20 ans, ce truc. Bon. Peut-être la Bundesbank. Justement pour réagir à vos deux interventions, la théorie n'est pas simplement l'activité des experts ni même des intellectuels. Pour faire quelque chose qui n'est pas dans la routine, les membres de la société pratiquent ce qu'on appelle la théorisation pratique, c'est-à-dire en effet une abstraction, une conceptualisation à des fins pratiques, c'est-à-dire la finalité, c'est de faire quelque chose avec une ressource qui est une sorte de montée en généralité de l'expérience que l'on a eue dans le bricolage quotidien. Et le fait de comparer ce qui est et ce que l'on aimerait faire nous conduit à une conversion du regard à laquelle nous sommes amenés à porter nous-mêmes les outils par abstraction de cette expérience-là. Donc en sortant du faire pour voir comment il se constitue et comment on peut en faire autre chose. Donc, par exemple, également, le passage d'un plan d'avion à l'avion, l'objet qui vole, ce sont des documents qui sont le fruit d'une abstraction, mais qui intègrent quantité de savoir technique, tout ça, auxquels les lecteurs de ce plan vont être formés et... Ils l'ont bu, ce savoir-faire, ils l'ont intégré dans leur manière de travailler et d'un dessin sur une feuille, ils font un objet qui vole. Voilà. Et donc, on est toujours avec cette histoire de commun, on vient dire « it's fascinating » parce que nous avons été habitués à une telle... asthénie, un tel sentiment que de toute façon, comme disait Coximon, il faut laisser faire les spécialistes. On pense pour toi qu'en effet, entre le monstre de l'économie, le léviathan de l'État, il ne restait pas grand place pour le citoyen de base. Or, le citoyen de base vient de se rendre compte qu'il est l'eau qui fait tourner le moulin, qui permet de broyer le grain, qui va permettre à d'autres d'aller faire du pain et ensuite de vendre au pauvre bougre qui est au bord de l'eau le fruit de son travail transformé en ayant oublié les différentes étapes ou l'origine de la chose. C'est en intégrant, en d'autres termes, toutes les parties prenantes à un problème, à une question, ce qu'ils ont fait là pour la gestion de l'eau, dans un rapport qu'ils ont voulu horizontal, c'est-à-dire il n'y a plus de raison d'avoir des employés, même si en effet il y a des gens de la régie, il y a des gens de la commune, tout ça, mais il y a aussi des usagers. Donc il a fallu, en effet, l'autonomie, c'est exigeant, trouver sans arrêt des modes de fonctionner ensemble pour que, en effet, ce soit cette chose-là qui soit la loi des parties. C'est pour ça que Dardot et Laval insistent sur le caractère inappropriable du commun. Je pense que c'est leur peur. C'est précisément le passager clandestin, comme on dit, le free rider, qui trouve le moyen, à un moment donné, de tirer profit sans mettre un peu du sien. Donc voilà, on voit que ce monde fermé quoi, est en fait ouvert à une construction qui est une construction collective. Quoi. Mmh. Et que le bitume, là, partout, les immeubles, tout ça qui semble ferme, sont modifiables, modulables, transformables en fonction des besoins de tous. Non, non, juste un mot avant que vous partiez, parce que vous posiez la question, un commun spectaculaire, machin tout. Bah, le commun spectaculaire, c'est Wikipédia, hein, dont on se sert tous les jours. Alors pourquoi c'est spectaculaire, à la fois les services que ça nous rend et tout ça, mais à la fois parce qu'il vient d'avoir la peau de l'Encyclopédia Britannica. Ça veut dire qu'il a vaincu le marché et les puissances de l'édition. Au départ, Encyclopédia Britannica a critiqué Wikipédia en disant ben voilà, il y a quand même beaucoup d'erreurs, machin, etc. et tout. La réponse de Wikipédia a été oui, c'est vrai, il y a des erreurs. Il y a des gardiens hein, quand même dans Wikipédia. C'est-à-dire, n'importe qui ne peut pas mettre n'importe quoi. Vous pouvez proposer tout ce que vous voulez, mais il y a des gardiens qui surveillent, hein, c'est géré. Voilà. Qui surveillent et qui valident. Ils disent oui, c'est vrai, ça nous arrive, il y a des erreurs. Mais en gros, une erreur dans Wikipédia, ils ont calculé, elle met, je ne sais plus combien ils ont dit, 3 semaines à être rectifiée. Une erreur dans l'Encyclopédia Britannica, elle met 25 ans entre 2 éditions. Donc pendant 25 ans, vous racontez des sornettes aux gens. Nous, au moins, en 3 semaines, c'est rectifié. Et ainsi de suite. Bon, et le résultat des courses, c'est que l'Encyclopédia Britannica, comment ça s'appelle, l'autre, l'Encyclopédia Universalis, elles ont fait faillite. Voilà. Donc, c'est pour dire que dans la compétition pacifique, j'emploie un vieux mot par dérision exprès, on remporte des victoires incroyables. Incroyables. Hein? Voilà. Bon, en tout cas, moi j'y vais. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Le combat de cesse, faute de combattants. Où, il vous reste une victime hein, pour faire, la, pour faire les dents. Hein. Il est tard aussi. Moi, j'aurais éventuellement un truc sur la question que ça me pose un peu, en ne connaissant pas bien Castor et Elvis, cette idée d'autonomie c'est, et de société autonome, cette dichotomie, c'est un peu la question de est-ce que justement c'est une société autonome ou est-ce qu'il y a des gens dans la société qui sont plus autonomes que d'autres? Mais c'est peut-être une fausse question que je pose là. Mais en fait, moi, je donne un exemple, c'est à partir de l'exemple des sciences sociales, qui quelque part matérialise en fait cette idée que la société a créé ses propres normes. On peut peut-être se poser la question de s'il y a un projet d'autonomie, quelle est la logique de diffusion des savoirs des sciences sociales en fait? C'est une question aussi simple que ça. Et parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que des fois, il y a un gros fossé qui se creuse en fait, entre des questions de type sociologique et des raisonnements, un fossé ou pas, mais et des raisonnements de la vie de tous les jours. Et du coup, il y a un peu des incompréhensions, j'ai l'impression, des politiques, des intellectuels et d'autres personnes. Non, mais c'est une question qui est cruciale parce que c'est la question du lien entre l'individu et la société. Est-ce qu'il peut y avoir des individus libres dans une société qui ne l'est pas? Bon, ben, c'est une question qui est ouverte et qui est passionnante. Pour Castoriadis, la réponse, elle est radicalement non. Pour lui, la liberté individuelle, elle est indissociable de la liberté collective. Il n'y a pas dans une société dont les institutions au sens large, hein, politique, économique, sociale, éducative, etc., sont globalement des institutions hétéronomes, il ne peut pas y avoir d'individus autonomes. Et inversement, il ne peut pas y avoir de société autonome avec des individus hétéronomes. Après ça pose la question plus particulière que j'ai entendue là, c'est est-ce que. Enfin, j'essaye de la reformuler parce que justement, je suis pas sûr d'avoir compris, mais est-ce que, en gros, ceux qui disposent de connaissances en sciences sociales, qui maîtrisent les outils conceptuels de la sociologie et autres, est-ce qu'on peut considérer que grâce à la possession de ces ressources, ils ont accès à plus d'autonomie que ceux qui n'ont pas accès à ces ressources? C'était ça En fait, c'est plutôt l'idée que. D'accès à des hypothèses, à des logiques de pensée en fait. Et du coup, c'est pas forcément qu'ils sont plus autonomes, c'est juste que je pense qu'il y a des gens qui vont déplorer que telle ou telle personne ne réfléchit pas avec des hypothèses de type sociologique et qui en fait, quelque part, c'est un déni du fait que c'est très peu diffusé en fait dans le dans une grande partie oui. de la société. Oui, alors, mais je ne sais pas, parce que c'était un jeu... Enfin, je pense que vous avez un peu répondu par anticipation tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un tas de savoirs pratiques qu'on acquiert dans l'expérience, de savoirs profanes, de savoirs ordinaires, qui font qu'on n'a pas nécessairement besoin d'attendre les salutaires... ouvrages ou idées des sciences sociales pour se libérer enfin, là-dessus. Oui, c'est pour ça que je parlais d'hypothèses plutôt que de travaux qui donneraient des. Oui, d'hypothèses, oui, bah si. Après, c'est sûr. Enfin, bon, je sais pas, il y a des. Après, quand on regarde, je sais pas, par exemple, quand on lit Annie Ernaux ou Didier Ribon qui racontent à quel point, quand ils ont lu La Reproduction, quand ils ont lu Bourdieu, à quel point ça a produit chez eux un effet, mais vraiment, c'était charnel, quoi. C'était expérientiel, quoi. À quel point ça a produit un effet de libération chez eux de lire ça, parce qu'ils comprennent, ah, tout d'un coup, ah, mais oui, mais d'accord, ok, c'est tout ça que j'ai subi à l'école, que j'ai subi parce que j'étais homosexuel, bon, parce que j'étais une femme, etc. Oui, je pense que ça peut, l'accès à ce genre de choses peut aussi, permettre des moments de subjectivation, quoi. On comprend, oui, quand on décrypte les logiques qui font qu'on est ce qu'on est, bon, ben, parfois. Mais bon, faut pas tout attendre de ça. En même temps, l'apparition d'ouvrages sur le commun, par exemple, ça atteste du passage de cette chose-là dont la plupart des gens n'ont pas entendu parler dans le débat public. On fait une sorte d'objet consultable, comment dit-on, un mobilier immuable, ouais. comme disait Latour, donc ça voyage. En gardant ses caractéristiques et en s'enrichissant. Voilà. D'ailleurs, on a parlé beaucoup de Dapo et Laval, et à aucun moment je n'ai donné la référence. Alors, c'est Dardo, c'est D-A-R-D-O-T, c'est Pierre Dardo et c'est Christian Laval, et le titre c'est Commun au singulier et essai sur la révolution au XXIe siècle. C'est paru à La Découverte en dernier. Oui. En 2015, on file l'an dernier, je crois, mais il y a le poche qui vient de sortir. 2014, peut-être. Ouais, mais il y a le poche qui vient juste de sortir. D'accord. Okay. Est-ce que le mot de la fin est atteint Un truc sur la science, je m'intéresse à une question peut-être annexe, mais sur la science, c'était. Oui, c'est Renaud, je ne sais pas quoi. Que la science. Mais en fait, c'est pas sur la science en tant que telle, c'est le scientisme, c'est-à-dire. Cette croyance comme quoi la science va nous sauver de tous les malheurs, c'est dans le sens castoriadien, une haute forme d'hétéronomie. Castoriadis dit aujourd'hui, il y a une certaine tendance, il dit il y a aujourd'hui une certaine tendance, si vous voulez, à croire en la science comme on croyait autrefois en Dieu, quoi. À investir, à placer des attentes, comment ? Oui, croire en la science et la technique. Mais comme une technique devenue quasi magique. Oui, c'est exactement ça. C'est l'instance magique. Et donc extérieure. C'est ça. C'est pas une vraie connaissance de la science, quoi. C'est pas la science en tant que telle qui est en cause. C'est plutôt le scientiste, c'est-à-dire cette dévotion vis-à-vis de la science qui relève de la magie, de la religion. Il dit que ça se manifeste notamment par l'idée qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, on doit le faire. Tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on est en mesure de faire grâce à nos outils scientifiques et technologiques, il faut absolument le faire. Surtout si c'est rentable et si ça permet de conquérir des nouveaux marchés, de déposer des nouvelles molécules, produire des nouvelles armes. Et il dit, c'est bizarre parce qu'on devrait fonctionner, en tout cas c'est pour lui c'est comme ça qu'on fonctionnerait de manière autonome, dans l'autre sens, c'est-à-dire se poser la question de la désirabilité de telle et telle avancée scientifique et technologique. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Est-ce qu'on veut la bombe atomique? Est-ce qu'on veut les organismes génétiquement modifiés? Est-ce qu'on veut breveter du vivant et travailler là-dessus? On devrait d'abord se poser cette question et y répondre de manière démocratique en débattant et pas dans des entreprises qui décident quand même assez librement de ce qu'elles font. Voilà, plutôt que dans l'autre sens, on fait et si on peut faire, on le fait, quoi. Mais sans jamais se demander si on veut le faire, si ça a une utilité sociale et si ça a une légitimité démocratique, quoi. C'est ça, la science comme hétéronomie, mais le scientisme plutôt que la science. Merci.